Écoutez. Mademoiselle, est-ce que je pourrais avoir un rendez-vous pour une radio? Oui, quel genre de radio? Une radio du bras. Ma fille est tombée à l'école et le médecin préfère faire une radio pour plus de sécurité. Demain matin à 9h, ça vous va? À 10h, ce n'est pas possible? Non, il y a déjà quelqu'un. Si vous voulez, je peux vous proposer 11h30. D'accord, 11h30, c'est parfait. N'oubliez pas d'apporter l'ordonnance du médecin. Bien sûr, j'y penserai. Au revoir, mademoiselle. Mademoiselle, est-ce que je pourrais avoir un rendez-vous pour une radio? Une radio du bras. Ma fille est tombée à l'école et le médecin préfère faire une radio pour plus de sécurité. À 10h, ce n'est pas possible. D'accord, 11h30, c'est parfait. Bien sûr, j'y penserai. Au revoir, mademoiselle.